Patrick Sébastien a pour raison le grand festival amusant. Cette soirée est un prétexte de venir s'éclater la tête. On se retrouvera encore un jour. De la pluie, jamais si bien, tout le sang vraiment bien, on est si bien entre couilles. Soir sur